On va laisser le présentateur présenter. OK, merci tout le monde d'être là. Deuxième édition de podcast, journée de podcast complète de genre 7 heures de temps. Vous êtes des warriors. J'espère que vous êtes là jusqu'à la fin. Bien sûr, merci, man. Il est en feu, ce gars-là. Chuck, il est tout le temps. Tu connais pas Chuck? Voilà, non, Chuck. Je ne connais pas Chuck, en fait, non. Je suis vraiment content qu'il soit là. Tu n'oublieras plus jamais. OK, on va commencer avec le Geek Collectif, tout le monde. Un bon applaudissement pour ces gars-là. Ils sont vraiment cool. Bonjour, bonjour. Merci, merci. Hello. Ah, il restait du gaz dans les tanks, c'est correct. Merci beaucoup d'être là, Valleyfield. Merci de. Je veux juste démystifier quelque chose en partant. Le D, il est-tu muet dans Valleyfield? Parce que j'entends Valleyfield puis j'entends Valleyfield. Ben, le monde de Valleyfield disent pas le D, mais c'est Valleyfield avec un D. OK, OK. J'entends un peu les deux. Fait que ça dépend de mon niveau d'appropriation culturelle. Exactement. Dans le fond. OK, excellent. C'est bon, t'as pas le droit de le dire sans le D. Peut-être vers la fin de l'épisode, tu vas pouvoir le dire Valleyfield. Écoute, j'espère que vous allez me laisser cet honneur-là à la fin de l'épisode. Fait qu'on va essayer d'être à la hauteur de la ville. Honnêtement, belle température dehors. Guillaume, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Guillaume, ça fait longtemps que je t'ai pas posé cette question-là devant un micro. C'est vrai. Ben en fait, c'est. J'essaie de me rappeler la date, mais c'est un petit peu avant Noël. Pas mal avant Noël, oui. Un petit peu avant Noël. Non? Éric? Ça va bien, André? Ça va. Moi, je ne veux pas vivre dans le passé. Là, on vit pas dans le passé, hein? Fait que, mesdames et messieurs, nous sommes Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion québécoise, francophone, montréalaise, avaloise, de 450, traitant sur la culture populaire et impopulaire. Mon nom est André Paquette, votre humble animateur, accompagné de Guillaume Hamel. Oui, et je tiens à dire, on n'est pas mort. Oui, effectivement, on est encore là, on est encore là. Accompagné également d'Éric Hébert. Bonjour André, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, je suis bien excité de faire ça en fait, ça fait du bien parce qu'on a une belle petite vacance qu'on va parler de peut-être un peu vite fait. Mais... Oui, oui, certaines vacances, effectivement. Donc pour les gens qui sont au courant et qui vont écouter ça en rediffusion sur le lien geekcollectif.com pour faire les plugs. Mais en réalité, Je m'en ai dit, ça fait quand même 5 ans et plus, quasiment 6 ans. 6 ans cette année en fait que le podcast existe. Qu'on a fait de podcasts, puis on a quand même fait moins de shows que Le Petit Bonheur. C'est weird. Je pense que peu importe, on va toujours faire moins de shows que Le Petit Bonheur. Mais en réalité, effectivement, c'est notre sixième année cette année. On a pris une courte sabbatique, si on peut le dire, d'environ 5-6 mois. Se réaligner, travailler sur nos projets personnels aussi également. Puis là, on s'apprête à faire notre retour. Donc, on a deux shows qui sont prévus avant un comeback officiel qu'on vous annonce aujourd'hui. Mais en réalité, on est là aujourd'hui à Valleyfield, le 3 juin. Puis on va avoir aussi également un spécial qui va traiter sur le E3, donc le Electronic Entertainment Expo, qui est la grosse conférence des jeux vidéo avec toutes les vagos, qu'on va faire conjointement avec nos bros de chez Rétro Nouveau. Fait qu'on va avoir la chance de faire ça avec Bruno Georget, puis avec Fred Gémus, puis... je pense qu'on a des invités qui vont être sur Skype aussi cette soirée-là. Donc, en réalité, c'est un peu notre icebreaker avec vous autres aujourd'hui. Bien content de pouvoir être là. On vous a préparé quelques sujets. On va parler un peu d'actualité avec vous autres. On a regardé une formule un peu informelle. Ça s'appelle participatif. Donc, commentaires, réactions violentes et insultes sont accueillis. Le micro est de notre bord, fait qu'on devrait être correct. Oh, on a perdu un micro. Oh, le truc, c'est de ne pas le débrancher. C'est lui qui marche pas, là. Et voilà, je viens de voir. Oh, j'ai trouvé... fais le bon vieux truc, fais une loupe dans le film. Oui, je suis correct. Je m'allais dire, ne lancez rien sur le stage, s'il vous plaît. Attendez le deuxième podcast avant de faire ça. Oui, exactement. Donc, guys, en réalité, qui voudrait casser la glace? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se porter volontaire? J'aimerais commencer. Semblerait que la moitié des personnages de l'MCU sont morts. C'est assez mental, quand même, là. Mais je t'ai pas encore vu, calice! C'est pas notre calice de problème, Sandra. Fait que c'est ça, moi je m'en crispe les spoilers souvent, mais oui, c'est étant dit, je capote bien raide sur qu'est-ce qui se passe dans les MCU, puis je suis allé voir ça, j'ai hâte d'aller voir Ant-Man, puis je sais pas, c'est ça qu'on veut dire, le vite fait des nouvelles, c'est juste ça que j'ai à dire vraiment. Ben écoute, depuis la dernière fois qu'on a enregistré, il y a eu plusieurs personnages qui ont fait des mouvements dans cet univers-là, plusieurs films qui sont sortis. Il y a eu la guerre entre les gens dans l'univers de Wakanda contre les Zoulous, je me souviens plus trop quoi. Là. Fait que, ça, c'était quand même intéressant au niveau du Black Panther. Mais, c'est quoi, c'est les Zoulous? Je sais pas. C'était okay. Une faction. Hein. Une faction. Donc, Eric? Oui? Tu voulais ouvrir le show? Oui, ben c'est ça. Fait que ouvrir le show. Ouvrir le show sur mon sujet ou ma nouvelle? C'est comme faire du basic, hein? Okay, c'est une crise de débarque, mais après ça, tu t'appelles quand même. On va commencer sur le sujet. Fait que dernièrement, j'ai recommencé à jouer à des Assassin's Creed et à être embarqué dedans. C'est quelque chose que j'ai jamais pu faire pendant des années. Moi, j'étais un gamer qui adore commencer un Assassin's Creed. Je pense qu'il n'y a rien de plus écœurant que commencer un Assassin's Creed. Puis, je commençais toujours les Assassin's Creed au début. Puis, après, à un moment donné, tout le shit commençait à... Il y a trop de choses à faire, puis je perdais focus, puis ben j'ai arrêté. Mais ça, là, c'est comme le point... C'était quoi? Moi, ça m'arrivait tout le temps à peu près à... J'appelle ça le point des 15 heures dans le jeu. Souvent, je vais commencer un Assassin's Creed, je vais faire « Chris, c'est hot, le setting, il est le fun, les contrôles. » Puis là, quand je commence à le fameux troisième acte, parce que tu tombes du mur, parce qu'il grimpe, tu croches, puis tu t'enferges dans le piton, c'est là que je décroche d'habitude. Ouais, ben moi, habituellement, c'est tout là que je décroche, mais dernièrement, puis c'est un peu mon sujet que je voulais parler, puis du raisonnement pourquoi que je joue à des Assassin's Creed, c'est que j'ai commencé une nouvelle diète alimentaire que je voulais partager avec tout le monde. Fait que t'es rendu vegan puis tu fais du CrossFit? Maintenant, vegan, je peux carrément dire que vegan, c'est pas bon, mais ça, c'est une autre histoire. je vais commencer le combat. Mais non, en fait, pour commencer, là longtemps, j'ai toujours été une personne un peu costaud. Quand j'étais ado, j'étais costaud, mais j'étais pas comme obèse comme je suis rendu en ce moment. Puis là, je suis rendu à la grosseur où je suis, puis j'ai toujours voulu perdre une couple de livres puis m'embarquer là-dedans. Ça fait très longtemps que je me suis embarqué un petit peu dans le concept. Parce que je voyais le monde parler du Atkins diet ou parler du comme consommer du gras plus principalement. Puis j'ai eu un partage. Mon chum, Éric Lafontaine, elf des commissions des geekers. Feu geeker? Ouais, en parlant de podcast mort. Lui, il m'avait envoyé un message. Il était comme, Éric, tu sais, je t'envoie ça, pas comme preacher. Mais je pense que ça t'intéresserait pour toi, parce qu'il me voyait toujours aller au gym souvent, puis tu sais, je suis quand même en train de manger, puis boire plein de la bière, fait que c'est sûr que ça, c'est pas smart. Mais, tu sais, il me dit, tu sais, ça, je pense que ça serait bon pour toi. Puis j'ai commencé à regarder ça, puis je voyais que c'est une fade en ce moment, c'est populaire, mais ça va tellement plus deep que ça. Parce qu'en gros, manger keto, c'est que tu arrêtes de... Là, il y a du monde qui rentre dans la place, ils sont comme, fuck, on est rendu dans un séminaire de diète, là. mais c'est ça, j'ai mangé keto, le concept, c'est que tu élimines les sucres et les carbs, les glucides, tu élimines ça au minimum, mais le plus important, c'est que tu élimines les sucres. Puis là, je m'en vais sur 3 semaines où ce que je mange plus de sucre, je bois plus de bière, je mange de la viande, du bacon, des salades César, du fromage. Ça a l'air fucking bon ce que tu manges. Je mange quand même bien. Je suis rendu à 22 livres perdus. Pas en 3 semaines, c'est plus en 2 mois, le 22 livres. Mais quand le keto a commencé, ça a boosté un autre 10 livres d'une shot que j'ai. Ça m'a pas, mais c'était l'eau dans le fond, là, quand tu commences à perdre des fois. OK. Mais en plus de ça, je me sens mieux, je me sens différent, je me sens focused. Qui fait que tout d'un coup, si tu veux, si tu as la misère à jouer à Assassin's Creed, keto, ça peut être une solution. Ça l'a été un peu pour ça moi. Ça règle-tu les bugs dans le jeu? Non. Oh, fuck. Non, mais puis aussi, ça règle pas de sauter d'un mur à chaque temps en temps, puis être en tabarnak quand tu cours après quelqu'un. Mais c'est juste une philosophie vraiment intéressante, mais en creusant dans le concept, puisque le monde il commence à faire ça, j'ai vraiment embarqué dans un genre de rabbit hole sur le sucre qui est rendu où ce que j'ai lu un peu trop là-dessus en ce moment. Et j'aimerais spécifier, je lis sur tout ce qui est le contraire aussi. Moi, je voulais que... Quand quelqu'un me dit, « Hey, en passant, les sucres, c'est poison, puis on devrait arrêter de manger ça », ben moi, j'ai commencé à faire des recherches pour... Non, les sucres sont bons, voici comment manger des sucres bien. Mais la seule manière que tu peux manger un sucre bien, c'est de garder ça à comme genre 15-20 grammes par jour. C'est quoi l'équivalent de 15-20 grammes, mettons? Un carré ou... Un carré de sucre? Ouais, mais un carré de sucre, c'est facilement 5 grammes. Ça fait très britannique comme propos. Là, ouais, mais un cube de sucre. Grosso modo, si tu commences à... Si tu regardes ta diète régulière puis tu regardes alentour, ouais, c'est ça. Mais ça, déjà ta liqueur, t'es déjà boosté de ta journée en sucre. Non, mais il a pris celle avec l'aspartame. Ah, non, c'est pas avec l'aspartame. Puis les faux sucres, ça, c'est une autre affaire aussi. Mais j'ai embarqué dans une folie de démoniser le sucre. Puis j'ai rendu freak comme ça. Je suis rendu maintenant où je bois comme un soulon, comme d'habitude. Tu sais, je vais quand même boire. Tu sais, la première affaire, c'était comme, quel alcool que je peux boire? Ben c'était comme, OK, la vodka, le gin, ou le whisky. OK, c'est beau. Bourbon, oui. Fait que j'étais correct. Mais là, je bois beaucoup de bourbon. Je bois c'est que la prochaine fois que vous êtes au Arcade Montréal, puis DJ Eric est là, un petit shot de vodka. Ben justement, vendredi, André est venu avec la gang, puis tous les bartenders là-bas, ils me connaissent, des amis, puis on s'entend bien. Puis Anouk, la bartender là-bas, à chaque fois que je suis sur une diète, parce que j'en ai eu plusieurs, mais sur celle-là, elle me fait toujours des drinks. Parce que quand je coupe la bière, tu fais juste rester sur du fort, puis du... du soda ou du Perrier, des affaires comme ça. Mais elle me fait un drink, c'est un drink sur le menu, en fait, chez Arcade MTL. Si tu demandes pour un Hébert, il y a quelqu'un qui va te le faire. Mais c'est un gin soda double. Puis elle a fait des variantes avec du matcha, des affaires comme ça. Mais j'en bois en tabarnak. Mais je suis pas sous mort. C'est ça qui est weird. Il est quand même capable de faire des avec le matcha, soir, je pense. À quand ouais, de matcha que tu bois, tu pisses quelle couleur? Hein? Avec la quantité de matcha que tu dois boire, tu pisses-tu verre? Ben là, c'était juste une fois que j'avais bu le matcha. Mais tout ça pour dire que là, même quand je brosse, c'est différent. Quand je pense, c'est différent. Comme ça a vraiment changé de tout. Puis pour expliquer un petit peu la mécanique de ça, quand tu vas sur une diète keto, en passant, je ne vends aucun service ici. Tu peux même pas vendre ça. C'est juste une idée. C'est comme je suis en train de vendre le communiste en ce moment. Là. Tu sais, je fais juste lancer une idée dans la tête. On va voir ce qui arrive. Mais... c'est un peu ça, non? Ça commence avec un petit meeting antifa, puis tu vas de là. mais moi, depuis que j'ai commencé là-dessus... keto. Je m'ennuie. Excuse-moi, mais je m'ennuie à ces moments-là. Keto, tu élimines le sucre. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ton corps... En fait, je suis capable d'act out un peu ce que ton corps fait. En ce moment, Frank est en train de manger des ça? Nachos. S'il y a quelqu'un qui veut filmer, c'est le temps. Dans ces nachos, il y a, des nachos sont écœurants. C'est bon. Ça, c'est fucking bon, des nachos. Je peux plus en manger. mais qu'est-ce qui arrive? C'est que ton corps break down du sucre. Hein? Fait qu'il reçoit le sucre. Puis la première affaire qu'il va faire, puis je ne suis pas docteur, je ne suis pas professionnel, je vais vous expliquer ça à ma manière, mais ton corps reçoit du sucre, puis aussitôt qu'il reçoit le sucre, il est comme « Oh, merci pour le sucre! » il lance ça, puis après ça, il reçoit du gras. Puis comme, non, j'ai des glucides. Il lance le gras ailleurs, souvent comme là. Puis là, après ça, il continue de juste break down les glucides, puis il nourrit ton corps, ton cerveau d'énergie, surtout ton cerveau. Mais il reçoit le sucre, puis il tasse le gras. À un moment donné, quand tu coupes le sucre, ben c'est comme, ah, le gras, non, je veux du sucre. Puis là, oh, du sucre, yes, oh, non, du gras, non, il sort le gras. Mais éventuellement, quand il n'y a plus de sucre, ton corps, il comprend rien. Tu pars en sevrage, un legit fucking sevrage weird. Je sais pas s'il y a du monde qui l'ont déjà fait, genre, trancher ça à 100%, mais ton corps a carrément un Christy de withdrawal fucking weird que tu vas pas mourir d'eux, mais ton corps est en train de tellement chercher pour des sucres, il est comme, ah, où sont les sucres? Mais il se fait inonder de gras maintenant, parce que moi, je fais juste, tu manges plus de gras, mais éventuellement, ton corps, quand il n'y a plus de sucre, mais il commence à se nourrir du gras, il commence à break down le gras dans ce qu'on appelle des ketones, puis au lieu d'avoir des glucides qui sont lancés partout, ben c'est les ketones, puis Chris, c'est ça que le corps humain a fait pendant des millénaires avant, puis on fait juste retourner à ça, puis ton corps fonctionne plus étrange. Puis maintenant, pis depuis que tu as des super pouvoirs, tu vis ça comment? Ben je complète plus de quêtes dans Assassin's Creed, déjà là, c'est bon. J'ai plus faim, l'appétit a disparu parce que ton corps mange juste des gras. Ta souris est moins, il y a moins de bouffe genre dans ton clavier, puis ta souris est moins glissante. Puis... Ben je mangeais pas à mon ordi, je sais pas de d'où que ça sort. Là. C'est-à-dire que t'avais plus faim. C'est ça, il y a plus de miettes de Doritos partout là. Mais je sais pas, c'est vraiment spécial. Puis une anecdote qui est drôle là-dessus. Ma femme est infirmière, puis elle, quand je l'ai fait embarquer là-dessus, je l'ai pas fait embarquer là-dessus, j'ai envoyé l'info. Puis on a eu une année difficile où il fallait qu'on vende un condo qui ne vendait pas puis de déménager. Fait qu'il y a bien du stress. Puis depuis on a que t'es keto, le condo est vendu. Hein? D'être devenu keto, le condo s'est vendu. On aurait dû prendre le keto au début de ce processus-là. Mais tout ça pour dire que ma femme est infirmière, puis elle est super intelligente, puis elle connaît cette shit-là. Puis elle a embarqué vraiment dans toutes les lectures, juste pour me dire deux jours plus tard, je commence ça lundi prochain. J'étais comme, oh fuck, OK, on commence ça lundi prochain. Mais là, elle est dans le feu, elle parlait des docteurs. Moi, je suis allé faire des tests de fatigue et des tests de sang avant. Parce que c'est pas quelque chose que tu enlèves pas le sucre et tu commences à manger du bacon. C'est pas simple comme ça. Ah non? Non. André vient de décrocher. Fuck! Mais je suis allé faire un test d'épreuve, tout faire ces affaires-là. Ça fait puis là, le docteur m'a gentiment dit que j'étais obèse, mais métaboliquement sain. J'étais comme, oh yes! C'est-tu bon, ça? Mais ça l'est un peu, tu sais, mon corps il est en santé, puis je pouvais faire un choc comme ça, je suis pas diabète. OK, fait que dans le fond, tu étais capable d'encaisser le choc. C'est ça, j'étais capable d'encaisser le choc, d'encaisser le choc de ça, mais c'est juste fou, tout ça. Puis ma femme, en faisant des recherches, elle m'a fait un exemple, elle a lu un livre en ce moment d'un docteur, parce qu'il y a un gros combat en ce moment, parce que tout le monde qui a appris comment manger dans les derniers 50 ans, du monde sont allés à l'école, des nutritionnistes, des docteurs. Il y a tellement qui est de backing là-dessus que juste tout le monde, il y a tellement de choses d'investies dans les carbs, puis le sucre, puis l'industrie du sucre en général, que personne ne veut toucher ce sujet-là trop. Puis ma femme a fait une comparaison, elle dit, ils ont fait un test, il y a un gars qui a mangé 6000 calories de gras, puis comme diète keto, il a mangé 6000 calories pour 3 semaines, puis d'après les calories, tu étais supposé de prendre environ 16 livres en comptant tes calories. Mais c'était juste des calories de gras. Mettons, à cause qu'il n'y avait plus de sucre, il a fini par prendre 2 livres. Puis c'était même pas 2 livres de gras, c'était 2 livres de masse. Fait qu'il a perdu de taille, mais il a gagné un peu en muscle juste en mangeant du gras pendant 3 semaines à 6000 calories. Puis après ça, il a fait la même chose pour 6000 calories d'une diète haut en carbs et il a pris les 18 livres qu'il avait estimé de prendre en 6000 carbs par jour. Fait qu'il y a plein de tests puis d'études qui sont en train de montrer à quel point que le sucre, c'est fucké. Puis je suis rendu un gros hater maintenant. On va voir comment longtemps ça va durer parce que la bière, va falloir que j'y retourne un jour. Mais c'est assez spécial. Puis juste ça, je suis geek contre le sucre en ce moment. Puis pour le monde qui connaît pas Geek Collectif, nous autres, à la base, geek, c'est geek de tout. T'es passionné, ça a toujours été notre passion. Quelqu'un est geek de les Dallas... fucking Cowboys, puis il veut parler de football passionnamment pendant 1 heure de temps, mais il est autant geek que nous autres, ça, puis c'est ça un peu notre philosophie. Puis en ce moment, je suis un geek contre le sucre, puis je vous prédis que dans les prochaines années, le combat de sucre, ça va être la même assise d'affaires que les combats de cigarettes. T'es au courant avec tout ce que tu viens de dire, là, l'explication de la diète keto, le truc du sucre. Oh, j'ai-tu tout ruiné ce que le monde va se rappeler, c'est un gars qui parle des Cowboys de Dallas, c'est un geek, puis ils vont accrocher là-dessus. Ben, puis que t'as le droit de manger du bacon, mais qu'il faut pas que tu coupes le sucre. Non, mais moi, je tiens juste à dire que ton food game sur Instagram a augmenté considérablement. Ben, pas Instagram, en fait, Facebook. Fait ouais, c'est quoi ça, Instagram? T'es le méta du foodie. Mais à chaque matin, je me réveille, puis j'ai comme la photo traditionnelle d'Éric avec genre un steak de surlonge de 2 pouces, puis un peu d'épinards à côté. Puis c'est comme, hey, keto jour 3. Puis je regarde ma banane, puis je fais dis-toi du cheap un peu. Dis-toi que moi, je manque. Je m'en allais dire, je manque ta banane. Bon. j'ai mal timé ma gorgée, moi, je pense. Ouais. Tu sais, quand t'arrêtes de te faire une joke de pied dans la bouche, ou ce que tu ouais. M'en as dit de pied dans la bouche aussi, est-ce que je t'anglais, moi? Calvaire. OK, bon. Puis en passant, c'est keto et c'est, non keto. Ça, c'est keto. La, c'est keto en anglais, mais en c'est français, ça. C'est C-E accent aigu. Quoi? Ouais, c'est plus complètement différent en français. Mais... boy. Ouais. Ouais. Okay. Mais t'es meilleur à Assassin's Creed. Je suis meilleur à Assassin's Creed, je peux se focusser, c'est weird, j'ai perdu du poids. Mais dans le fond, à tous les spectateurs ou nos auditeurs qui sont dans le e-sport et tout, tu leur suggères de virer keto. C'est sûr. À défaut de virer kétane, mais c'est un autre débat. Ben en fait, les grosses équipes de e-sport, ils ont souvent des diètes de ce genre-là, déjà. Fait quand tu regardes, on va dire, Cloud9 ou des grosses équipes, quand tu es géré dans une maison, la diète, c'est l'affaire la plus importante pour ces équipes professionnelles-là. Puis souvent, le keto, ça va être un choix. Mais à bout de ligne, je suis pas là en train de dire faut que tu sois keto pour être normal. C'est pas ça, pas en tout. Mais c'est mieux que vegan pour ta santé. Actual fact. Mais vegan, c'est mieux pour la planète. Mais ça, c'est tout un autre débat. On s'en crisse, là. J'arrête de. On s'était dit qu'on parlerait plus jamais de vegan quand Milter était pas là. Ouais, Milter a le trademark vegan. Mais merci, Rick. Puis honnêtement, moi, j'en apprends toujours un petit peu plus par l'entremise de tes publications. Puis je vois ça se promener. C'est un peu plus répandu. Hey, j'ai du monde qui me contacte au hasard, qui sont comme « Hey, je commence ça la semaine prochaine à cause de toi » ou « Je vois du monde qui me voit aller » puis on dirait qu'après deux semaines, il était comme « Oh, il est pas mort. OK, peut-être. » Il y avait comme une période moratoire pour voir s'il s'en... C'est que si vous avez des suggestions de hashtag pour le régime keto d'Éric, viendrez nous le voir, nous donner, on pourrait essayer de le faire embarquer là-dessus. Mais merci, Éric. Ben merci à toi, André. Salut tout le monde. Fait que c'est ça. Guillaume! Oui, hey, moi, je suis tellement content. Oui? Il y en a qui sont jamais contents. Oh boy! Hey, ça fait ma deuxième plug facile, cheap, qui éteint de la journée. Mais non, c'est vrai, j'ai plugué Petit Bonheur tantôt. Oui. Mais non, j'étais vraiment content. Ça fait, comme on disait tantôt, 5-6 mois qu'on n'a pas fait de show. Puis ceux qui me connaissent moins, je suis un peu maladif là, quand je prépare un show. J'aime ça aller all-in puis tout. Puis là, c'est comme... Hey, il vient de boire un rockstar. Puis oui, en effet, c'est que là, je vous êtes fait. Je pars, il est comme moi en ce moment, naturellement. Cancel le show d'après nous autres. Je vais parler pour leur cédule à eux aussi. Mais non, c'est que finalement, André me dit « Hey, on s'en va à Valleyfield. » Là, j'étais comme « Où? » Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais je prépare mes affaires, plein de sujets. Puis là, on essaye de planifier nos affaires. Puis c'est comme « Parfait, on fait ça un peu méthode libre. » C'est que moi, je suis parti en grand. C'est que là, dans le fond, moi, j'ai commencé, j'étais comme Les gens de Valleyfield, moi, contrairement aux jokes qu'on pourrait faire, j'ai confiance en eux. C'est comme n'avais-tu moi, j'ai pas faire des jokes de Valleyfield. Non, mais j'ai confiance en eux. Ça va bien. Puis j'ai dit, moi, j'ai goût de parler de l'état de l'accroche narrative dans le 9e art, dans un contexte post-contemporain, avec une emphase sur l'influence Frank-Millerienne, en opposition aux rhétoriques socioculturelles non-genrées. Tabarnak, là. Puis là, Milter et Eric étaient, hey, il a été lourd, c'est dans un bar, le show. T'as pris ton char, hein, toi, pour venir ici? Oui. OK, good, c'est bon. Hey, j'ai comme fait, c'est-tu nerd collectif ou geek collectif? Ben, c'est exactement. C'est là qu'eux, ils m'ont comme arrêté. Ils m'ont dit, ça suffit, oui, nerd. Excuse, redis ta phrase encore. Moi, de la voix que j'ai. C'est une influence de Frank Millerienne. J'ai la voix du comic book geek des Simpsons. En passant, pour ceux qui ont manqué, comme Eric puis André, la croche narrative, on parle du storytelling et le 9e art et la bande dessinée. Ceux qui me connaissent un peu, comme mettons iChuck en avant, ils savent que j'aime les BD. Fait qu'on s'est dit, je vais diminuer un peu mes envolées lyriques, puis je vais juste parler de comic book. Parce que il y a beaucoup de... Tu sais, dans la vie en général, moi, j'aime ça un peu faire du bitching, puis il y a bien des choses qui sont en contradiction. J'ai vu à côté, tantôt, il y avait des posters de bande dessinée dans un magasin de linge, mais qui est fermé. Puis, ouais, c'était-tu un comic book store, ça? C'est un peu... c'est un magasin de comic book puis de Magic, mais ça l'a fermé il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Ben, c'est justement... ça, c'était même pas arrangé avec les gars des vues. Mon sujet faisait en sorte que, suite avec des discussions avec plusieurs autres podcasteurs et gens de région, comme Econ et compagnie, les magasins de BD ferment. Puis justement, le magasin de Valleyfield, le stock a tout été acheté par Comic Hunter à Montréal. C'est Marc, le propriétaire, qui m'en parlait. Les magasins de bande dessinée ferment partout sauf à Montréal, mais même encore là à Montréal, il y a Astro qui est là depuis genre 1942, là, ou je ne sais pas combien, qui a fermé. Puis, en parlant avec Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants, il y a de cela plusieurs mois au Arcade Montréal, pour ne pas le nommer, j'ai eu cette espèce de cette idée de sujet-là où pourquoi est-ce que les magasins de BD ferment? Pourquoi est-ce que l'industrie de la BD supposément va mal? Et j'ai commencé à faire des recherches, puis curieusement, contrairement à la presse, là, le journal écrit, contrairement aux médias imprimés, puis le spending en publicité qui dégringole. C'est pour ça que là, la presse, on a entendu parler là, qu'il y avait une coopérative puis c'était rendu comme plus privé ou je sais pas quoi, puis il y avait plein d'argent gouvernemental. Les bandes dessinées, les ventes augmentent assez curieusement. On parle là, de juste aux États-Unis en termes de millions de dollars, là, c'est 300 quelques millions de dollars, juste les BD uniques. Là, quand on achète le Spider-Man numéro 42. Celui qui dure une chiotte. Là. Genre. En 7 ans, le spending en digital est passé de 1 million à 100 millions et plus. Wow! Puis les paperbacks, là, ça c'est les paperbacks, ceux qui ne le savent pas, c'est les gros recueils là, qu'on voit là, qui impriment plusieurs bandes dessinées comme ce que j'ai ici, dans le fond. Là, ceux qui durent multiples chiottes. Ouais, ça c'est quand t'as la diarrhée, puis t'as une gastro, ça c'est bon. c'est que dans le fond... Je m'ennuie ça, avec, ça augmente beaucoup. Puis là, je parlais avec Benoît et d'autres, puis on se disait, en gros, c'est notre théorie, c'est comment ça se fait que si les ventes augmentent à un rythme phénoménal et les paperbacks augmentent aussi beaucoup, parce que si on se promène à Montréal, que t'ailles ou même dans d'autres places où ce que j'avais été à Sherbrooke, il y a beaucoup, beaucoup de paperback. Partout, il y en vend. Tu vas au Archambault, il y en a. Tu vas au Renaud-Brie, il y en a. Partout, tu peux... écoute, je vais au Walmart, puis je vois des paperbacks, là. Québec Loisirs en vente aussi. Ça se peut. Ça fait des années que je ne suis plus là-dessus, moi. Comme Columbia, j'ai lâché ça. C'est comme une drogue. Tu as réussi à te désinscrire de Columbia. Comme le sucre, ça a été dur, mais Eric a réussi à faire le sucre. Moi, j'ai réussi à faire Columbia. En gros, c'est que les habitudes de consommation, puis c'est très, très, très au Québec, c'est très local, parce qu'en fait, les chiffres, ce qu'on remarque, c'est que c'est aux États-Unis, ça vend, puis au Québec, ça ne vend pas. Ben, c'est qu'on est encore une fois une société distincte, mais on ne parlera pas de politique au Geek Collectif. Jamais. Jamais. Effectivement. Donc, puis là, on parle de comic book. Puis là, on parlait de ça, je t'en dis, crime, t'achètes, mettons, Manhattan Project numéro 6, là. Le cover price, dans mettons. Le fond, il est 15 US. Fait que, mettons, 28 piastres canadiens, ça, à peu près. Mais quand tu vas dans un magasin de bande dessinée ou Archambault, peu importe, ils vont te le vendre cover price. Le problème, c'est que si tu vas sur Amazon, tu vas le payer 13 piastres. Tu le payes moins cher que le maudit cover price. Fait que là, dans le fond, c'est une boutique qui était comme exemple juste à côté qui, en fond, se bat contre Amazon. Puis Amazon vend moins cher. C'est que c'est sûr qu'en partant, il n'y a comme pas personne qui peut gagner. Mais je me dis, mais ça ne peut pas être juste pour ça. Pourquoi est-ce que Amazon est là à vendre des paperbacks moins chers puis que le petit magasin de BD n'est plus capable d'en vendre puis qu'il y a un désintérêt? Puis là, j'ai comme poussé l'analyse un peu plus loin. Puis là, je regardais, je me dis, pourquoi ça arrive? Mais là, je regardais un peu mes affaires, je dis, Colin, j'ai regardé Amazing Spider-Man. Juste pour une petite statistique pour vous autres. Amazing Spider-Man, là, on va tourner vers le bord. Volume 1, qui a commencé en 63, a continué jusqu'en 1998. Arrêté au chiffre 441. Amazing Spider-Man 441. Après ça, on a eu le volume 2. Le volume 2 a duré 6 ans. Après ça, ils sont retournés au volume 1 pour faire volume 3. Mais ils ont recommencé au numéro 1 à chaque fois. Puis là, rendu au volume 4, ils ont recommencé au numéro 1. Puis là, tout d'un coup, ils disent, hey, on va revenir à notre ancien chiffre. C'est que là, à un moment donné, random out of nowhere, t'as le numéro 789 qui est arrivé. Écoutez, moi, je suis un maniaque de BD, là. Ça paraît pas en tout. Puis je suis perdu. Et que j'imagine la personne qui dit, hey, j'ai vu le dernier Spider-Man ou j'ai vu le dernier MCU, puis là, j'ai le goût d'embarquer là-dedans. Puis là, il voit, il y a comme 4 volumes d'Amazing Spider-Man, il y a 5 volumes de Fantastic Four. Puis là, il parle au gars derrière le comptoir, puis il dit, ah, mais là, t'as une note, là, si tu veux faire du Superman puis du Batman, t'as 52, t'as New 52, t'as Rebirth. Mais à chaque fois, il recommence, puis il crie ça au vidange, mais il recommence, mais il reprend des... C'est fucked up. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est une tendance tellement précurseur qui est en train de transcender son genre. Fait que là, t'as les fans de Bethesda, justement, qui vont jouer à Fallout 76, puis ils vont faire comme, Chris, man, il était où les 75 autres? Je passais à côté. Ça n'a pas de sens. Il jump un gap. Fait que les chiffres, c'est vrai que c'est dur à suivre à cette heure. Parce que... En effet, mais ça, ce qui arrive, c'est que la personne qui est ultra maniaque, puis qui est ultra, genre, dans le milieu, là, il va un peu savoir ce qui se passe. Puis il va être capable de comprendre. Puis là, ça va perdre le consommateur moyen. Puis c'est pour ça que, justement, à un moment donné, ça a eu un impact au niveau des ventes. Puis là, il y a quelqu'un chez DC et chez Marvel en même temps, ça doit être la même personne, qui s'est dit, « Hey, on s'est rendu compte que quand on fait le numéro 1, ça vend. » Là, on va se trouver plein d'excuses pour refaire des reboots parce que la personne qui ne connaît pas ça va recommencer, mais il ne comprendra pas plus l'histoire, mais il va penser qu'il comprend parce qu'il commence au numéro 1. Fait que là, j'ai fait des recherches encore une fois parce que ça me tente. Il y a eu un Superman là, qui vient de sortir, numéro 1000. Comment tu penses qu'il y avait de différentes copies du numéro 1000? André, dis-tu un chiffre au hasard? 1000. Les règles du Price is Right? Ouais, ou... mettons. Okay, fait que le plus proche sans overbid, 999. Non, mais il y avait 9 variantes. Plus 20 éditions spéciales. Tu avais 29 variantes différentes du même numéro. J'étais proche. Well played. Amazing Spider-Man, il y en avait 18. $1 plus, il y en avait 53 variantes différentes. Puis le Star Wars numéro 1 qui est sorti il y a à peu près 2 ans, il y en avait 68. Fait que dans le fond, tu achètes un Star Wars numéro 1 puis il y a 68 versions différentes du numéro 1. L'histoire est pareille en dedans, mais tu as 68 numéro 1. Fait que là, tu as des gens genre qui sont un peu comme Eric sur le keto, là, qui deviennent obsessifs, compulsifs. Puis il dit oui, mais il faut tout. Et là, après ça, ils disent hey, « on a augmenté nos ventes de BD numéro 1. » Mais c'est parce qu'ils en vendent 68 à une personne, puis la personne décroche après 3. Fait que tu peux devenir un collectionneur de numéro 1, dans le fond. Toi, t'as juste des numéro 1, mais t'es à toutes. Exact. T'as lis pas l'histoire, puis that's it. Mais c'est pour ça, dans le fond, que les paperbacks sont super pratiques, parce que, justement, t'as tout, puis t'as pas besoin de te casser le coco. Puis là, ceux qui nous ont déjà écoutés, comme Chuck, il doit s'en rappeler, mais dans un autre épisode, j'avais parlé justement de... Tu veux dire, j'ai acheté un paperback, je disais, hey, il y a eu un Civil War 2, parce qu'il y a eu un Civil War 1, mais il n'y avait pas d'idée, c'est qu'on va faire un 2. Ça va coûter moins cher de, d'auteur. Puis tu lis le Civil War 2, puis là, tu te rends compte que tu comprends fuck all, là, que c'est supposé être une histoire comme tout en un, mais là, parce que tu n'as pas lu les 14 autres histoires en avant. Fait que c'est ça un peu qui me fait chier. Moi, qu'est-ce qui me fait chier, c'est que l'autre jour, j'ai rentré dans une librairie Z, oui. Qui est un excellent... Je suis très chanceux d'avoir ça au coin de ma rue, en fait. Les gars sont super sympathiques, en plus. Mais j'avais une question très simple en rentrant là-dedans. J'avais naturellement ma curiosité de piquer pour Captain Marvel. Fait que là, je rentre, puis je suis comme... Où est-ce que je commence? Le gars, il ne peut même pas me répondre. Ben c'est exactement ce que j'explique puis, un peu. C'est ça que ça, puis ça me frustre un peu de ça, parce que moi, je suis comme Captain Marvel, OK, tu sais, c'est bien beau, tu vas checker le wiki. Là, tu veux quel? Tu veux Captain Marvel qui est un gars? Tu veux Carol Danvers? Tu veux Amanda Khan? Je me suis tombé sur un trade paperback qui était elle qui forme le Alpha Wing. Qui est un, ouais, puis ça, c'est suite à un autre des reboots de Marvel où ben, que, genre, les deux planètes se sont comme. Fait que là, j'étais tout fourré parce que j'étais comme, OK, ouais, mais là, je suis dans l'espace. Est-ce que puis là, tu veux écouter le film Avengers? 8, 4, 6, on a rendu, en tout cas, je l'ai la pas suite vu de encore, Thanos. Ça a l'air, il y a du monde qui meurt. Puis là, tu vas faire comme, non, c'est le, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu. 50% off. Ouais, mais tu vas dire, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de lire. C'est ça, ouais. Mais c'est un peu ça qui est plate. En fait, on ne voit pas Captain Marvel pantoute dans le film, mais il y a une allusion qui est lancée à elle. Mais c'est juste l'idée de vouloir voir, comme là tu es curieux, parce que là, toute phase 5 du MCU va focusser sur ça. Exact. Puis t'es comme moi, mais où est-ce que je vais aller voir? Puis là, tu lis une couple d'affaires, puis fuck, all over the place. Ouais, mais d'un autre côté. Là, le MCU, il est différent. Là. Je comprends que c'est différent, puis ils vont prendre des morceaux de tout. Mm-hmm. Mais quand t'es un fan un peu, tu sais, juste comme régulier, un peu comme tu dis, tu veux avoir un peu un suivi qui t'intéresse, c'est très difficile à faire. Là, ah, mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a l'aspect, moi, qui me fait capoter, là, c'est les films de super-héros, puis là, Marvel, puis DC, puis telle affaire, mais à un moment donné, c'est parce qu'ils sont rendus aussi que, selon mon humble impression du gars que je connais ça un peu, mais pas autant, là. Quand j'ai vu Black Panther sortir au cinéma, j'ai fait comme, OK, c'est correct, ils sont rendus là, tu sais, ils sont rendus à Black Panther. Mais là, après ça, on dirait qu'ils scrapent le fond du baril pour aller chercher les autres super-héros oubliés, puis essayer de les ramener. Netflix. Juste le Flash là, à la télé-série à CW. Oui. Là, ils sont rendus avec un bonhomme élastique. Il a fallu juste sur Wikipédia. Puis j'étais à trois niveaux de Wikipédia de comprendre c'était qui. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, est-ce que tu relates tant que ça? T'sais, est-ce que... Ben, là, j'essaie de ne pas spoiler, mais il y a eu des screenshots circulants. Tu sais, quand tu penses que dans cette lignée-là, puis ça va me faire une petite parenthèse dans mon sujet, mais tu sais, Ant-Man, à la base, c'est un espèce de batteur de femme alcoolique. Puis ils ont réussi à faire un film avec Paul Rudd, qui est quand même intéressant. Il est très attachant, Paul Rudd. Puis en passant, ceux qui ont vu le film Ant-Man, là, le batteur de femmes alcooliques, c'est le vieux monsieur. C'est pas Paul Rudd, c'est le vieux monsieur qui représente... Michael ouais, Douglas exact. Est un vieil alcoolique batteur de femmes? Ben en fait, le personnage qu'il joue dans les BD est le vieil alcoolique batteur de femmes qui a quasiment tué sa femme. Je pense qu'il l'a même déjà tué, mais dans les comic books, on sait, personne meurt vraiment. Il l'a perdu. Mais il rend ça clean aussi. Michel Pfeiffer. Je trouve que c'est poche, parce que... Je dis pas que c'est bien les gestes posés, loin de là. On me quote comme il faut, s'il vous plaît. Donc, mais André n'approuve pas les batteurs de femmes alcooliques. Ben effectivement, je les approuve vraiment pas. Mais je trouve qu'ils ont comme... Tu sais, là, t'avais le monde qui disait le whitewashing au cinéma, puis là, c'est des acteurs blancs, nord-américains de partout. Mais il y a le phénomène aussi où tout le monde est super... ils sont pas damaged goods comme dans les BD. Il y en a là, qui sont fuckés. Là, ben, c'est ce qui est Tony Stark là. Est un fucké dans les BD aussi. Ben, peut-être Tony Stark. Tony Stark 2 aussi. Le OG Tony Stark. Le Doctor Strange, là, lui aussi, il est pas mal la même affaire. C'est pas le même personnage. Peut-être. Mais en fait, je vais fermer notre parenthèse. Parce qu'en gros, la conclusion que j'ai eue... Face à tout ça, tu sais, là, je vous ai comme inondé plein de statistiques, puis il y en a une couple qui doivent trouver ça plate, mais c'est pas grave. Mais en gros, le problème, pourquoi est-ce que la boutique de BD à côté, elle ferme? Pourquoi est-ce que les histoires sont compliquées? Puis pourquoi est-ce que quelqu'un chez Marvel puis DC a eu l'idée de faire plein de numéro 1 puis de faire 68 versions? Mais c'est à cause de moi. Ben aussi à cause de vous autres, là, ceux qui achètent des BD. C'est nous autres, en fait, qui part comme des espèces de poule pas de tête puis va tout acheter. C'est qu'en gros, on chiale sur une situation qui est causée par nous-mêmes puis on essaie, dans le fond, ben, de façon un peu, pas juste moi, mais at large, de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre alors qu'on pourrait juste tout simplement agir plus en conséquence de nos actions. La preuve, Marvel se sont fait chicaner plein de fois parce que justement, il y avait du whitewashing puis il n'y avait pas de blanc, il y avait juste des blancs, il n'y avait pas de représentation, il n'y avait pas de femmes puis tout. Ils ont fait une Miss Marvel qui était une américaine musulmane. Il y a Miles Morales qui est un afro-hispanophone. Tony Stark est devenu une femme noire. Écoute, il y en a fait de toutes les couleurs. Il y a eu Human Torch, mémoire est bonne, qui est devenu homosexuel. Mais le problème, c'est que 95% de tous les titres qui ont été faits dans cette espèce d'option diversité-là ont été cancellés parce qu'il n'y avait pas de vente. C'est que dans le fond, les gens... Ben ça, c'est très ucamien, là, honnêtement. Là. Le monde chiale, puis une fois quelqu'un fait quelque chose en fonction de ton chiolage, ben, il n'y a rien qui se fait en conséquence. Ah, c'est que tu as chialé pour rien. C'est que dans le fond, ça revient aux vieilles habitudes. Mais c'est tout simplement pour dire que autant au niveau des jeux vidéo, autant au niveau des films, autant au niveau des bandes dessinées... Au niveau du sucre, honnêtement, c'est vrai. Le problème, à la base, vient du niveau du consommateur. Puis je pense que si on, en tant que geek, en tant que consommateur, point... Je ne sais pas si dans les chars, ça s'applique. Faudrait... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une photo de char sur son Facebook? On pourrait y parler. Non, c'est une blague. Mais c'est une petite inside avec nous autres. Ouais, c'est ça. Embarque pas là. On ne veut pas juger les gens qui se mettent un Facebook cover de char. Mais je viens de le faire un peu, hein? Pas grave. Il y a quand même, on est déterminé qu'il y a des exceptions. Là. Oui, en ouais, effet. Effectivement. Le pourcentage, quand tu t'appelles Paul Walker, tu peux avoir une exception. Ah non, c'est vrai, il est mort, lui, fuck. Sacrement, Rockstar, il marche, là. Je suis dans le tapis, Anastie. Mais tout ça pour dire, consommateur. Puis, si vous voulez encourager des BD alternatives, là, c'est-à-dire moins populaires, c'est-à-dire aller chez Image Comics, ce qu'ils appellent des BD qui sont creator-owned, c'est-à-dire que c'est en propre. C'est le créateur de la BD qui est propriétaire et sont distribués par Image Comics. Ça, c'en est un exemple. Ici, Manhattan Projects. Ceux qui sont curieux, qui pourraient venir me voir après, je vais vous montrer c'est quoi. C'est excessivement bien dessiné. C'est un style qui est fucked up. Je n'ai déjà parlé dans le Geek Collectif dans un épisode passé. Il y a Descender qui est sorti. Les Mysterious Donner en ont parlé il y a quelques mois. Une BD qui est en fait dessinée à l'aquarelle. Puis c'est du sci-fi. Là. Imagine genre du sci-fi des robots de sueur dessinés à l'aquarelle. C'est que c'est rendu que l'art visuel est un peu un statement qui complémente l'art littéraire. C'est le Black Mirror des bandes dessinées, dans le fond, où le art style est super flyé, fucké, puis à la fin de chaque épisode, je suis sûr que je ne l'ai pas compris de la bonne façon. Non, honnêtement, c'est peut-être Manhattan Project, c'est un peu dans ce genre-là, mais sinon, en général, c'est juste plus intéressant. Puis, en général, vous n'avez pas à avoir de problème. Si vous lisez Manhattan Project 6, ben, vous avez juste besoin d'avoir lu le 5 avant. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les 14 autres 000 titres qui vendent. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les 14 000 autres crossovers qui existent, puis vous allez comprendre. C'est ça qui est le fun, puis c'est ça que moi, je pense qu'on devrait plus pousser en tant que consommateur, c'est d'encourager des producteurs qui ne prennent pas, nous, le fan pour un cave, puis une vache à lait non plus. Fait qu'en parlant de sci-fi... My God! Les gars, vous êtes instructifs aujourd'hui, c'est débile. Je imagine me sens que j'avais gardé mon sujet original, hein? Ouais, ben, OK, crème, moi, j'arrive un peu avec Est-ce qu'on parle de sci-fi? On va parler de science-fiction. On peut parler à Melter, si tu veux aussi. Il reste 25 minutes. On va faire ça vite. C'est parce qu'en réalité, là, ça fait environ 5 mois qu'on n'a pas de podcasté. On reprend tranquillement, pas vite. On fait du basic. On brise la glace aujourd'hui. Puis jusqu'à hier, j'avais un sujet préparé. Il était préfait. C'était tout organisé. Ça avait du sens dans ma tête. Puis ensuite, j'ai réalisé qu'on s'en venait dans un café culturel. Fait que mon sujet de faire un jeu avec vous où je vous lis un commentaire sur Internet puis on découvre si ça vient de YouTube ou YouPorn, je l'ai mis de côté. en réalité, je trouvais ça un peu daring. Fait que ça va revenir, c'est sûr et certain. Mais là, maintenant, vous savez qu'on a ça dans notre banque. On va pouvoir vous le teaser pour un autre épisode puis on sait que vous allez pouvoir venir nous voir. Mais certainement. Non, mais ça, ce jeu-là, il était écœurant en passant. Là. Tu on fais ça dans un party de famille, le party pogne, ta belle-mère pleure. Fait que en réalité, c'est que hier soir, j'ai eu un flash puis je suis tombé dans un rabbit hole un peu où... C'était-tu le flash rouge, le flash jaune? C'était le flash incolore, en réalité. C'était le flash que... soirée tranquille, je suis sur Internet, puis je me rappelle de des séries télé que j'ai écoutées dans le temps qui m'ont fait triper. Puis je me dis, dans l'ère où on a eu récemment The Expanse qui est passé proche de se faire canceller, puis là, on a eu le propriétaire d'Amazon qui est un fan qui a dit, hey, moi, regarde, je veux sauver ça. Fait que là, il y a des pourparlers entre sci-fi et Amazon pour essayer de sauver la télésérie. Mais là, je me suis dit, hey, ce serait le fun si. Dans un monde utopique, Netflix et Amazon de ce monde allaient retrouver des anciennes licences de téléséries qui m'avaient fait triper puis essayer de les ramener à la vie. Fait que d'un clic à l'autre, en réalité, puis là, ça va me faire penser beaucoup au concept de notre chum chez Tales from the Click, mais je me suis perdu sur Internet à plusieurs niveaux. C'était incroyable. T'as vécu un peu ce qu'un TDA vit quotidiennement. Oui. En réalité, ta recherche là, que t'avais faite, ces BD, là, j'étais là-dedans, là, mais dans les séries télé, c'était incroyable. En passant, j'ai aucune idée comment est-ce que JB fait ses recherches, parce qu'il voit des places que j'ai jamais compris. Ben écoute, je peux te certifier qu'il y a du scotch là-dedans quelque part, mais okay. Écoute, c'est incroyable. Fait que j'ai commencé à fiouler ma nostalgie, puis je suis tombé là-dedans. Puis, un moment donné, il y a des liens louches, mais il y a des liens qui ont commencé à se faire dans ma tête. Fait qu'on a commencé, j'ai fait hey, Firefly, quelle excellente télésérie. N'as-tu qui écoutait les séries sur de sci-fi ici, hein? Un petit levé de main rapido, là? Ou la télé, point. On va y aller plus large. Il y a des Figures, gens qui écoutent, y a-tu des fans de Figures dans la place? C'est ça. Excellent. Fait qu'en réalité, tout débute par Firefly, excellente série télé, 17 épisodes, hey, c'était en 2002-2003. Sur le réseau Fox. Avec la femme créé de Deadpool, ça, hein? Oui, effectivement. Là, j'ai son nom dans les notes, mais je le charcute à chaque fois. Baccarin, quelque chose. C'est correct, on ne veut pas savoir son nom, on veut juste la regarder. Anyways, hey, ça a été créé par Joss Whedon, le gars qui a fait Avengers 2, dans le fond, qui l'a écrit, dirigé, réalisé. T'as oublié de mentionner Buffy. J'ai oublié de mentionner Buffy. Mais en réalité, Firefly, je pars là-dedans, puis là, je regarde, puis je me dis, OK, les acteurs sont rendus où? Qu'est-ce qu'ils font? Puis là, je commence à faire des liens assez intenses. Oui, ils sont au Comic-Con de Montréal avec des photos photo-ops à 75$. Mais, tu sais, dans le fond, Nathan Fillion, qui est en train de faire 40 millions d'autres affaires. Gina Torres, j'écoutais Suits récemment, puis j'étais comme, fuck, elle a commencé dans la... Ben, commencé. Man, pour moi, elle a commencé là-dedans. Alan Tudyk, c'est le gars qui est toujours drôle un peu partout, puis qui crève de façon totalement prématurée à chaque fois. Adam Baldwin, dans Chuck aussi également. Fait que, tu sais, il y a pas mal de monde qui ont starté là. C'est comme le 14e frère de la famille Baldwin, ça? Summer Glow. Souvenez-vous de ce nom-là, Summer Glow, qui jouait River Tam là-dedans, dans le fond, le personnage qui parle pas puis qui est un peu fucké. Fait que tu sais, je suis parti de Firefly, puis là, ben justement, je me retrouve sur Wikipédia, IMDb, je clique, puis là, un moment donné, je me retrouve ailleurs. Puis je finis par Summer Glow, puis là, le fil conducteur, Terminator de Sarah Connor Chronicles, qui était sorti en 2008-2009. Deux saisons, qui était très bonne épisodes. En passant, là, ouais. Ça, c'était cœur, hein? Écoute, hey, y a eu du monde qui ont travaillé là-dessus, ça n'a pas de sens. Lena Headey, justement, qui était là-dedans. Lena Headey, ben on s'entend que Game of Thrones, hein, c'est ce qui jouait Sarah Connor en passant. Summer Glow qui est encore là-dedans. Il y a eu un paquet de monde. Shirley Manson. Moi, j'étais surpris. Shirley Manson qui faisait un T-1000 spoilers, mais c'était en 2008. Tu ne sais pas écouter là, tu t'en crises peut-être, probablement. Là. Mais Shirley Manson, c'est la chanteuse de Garbage. Fait que la chanteuse de Garbage était dans Terminator de Sarah Chronicles. C'est pour ça que Garbage faisait plus de musique. C'est probablement pour ça. Ou parce que c'était de la musique Garbage. Calembour aujourd'hui, Guillaume, c'est incroyable. T'es tranchant dans tes propos. C'est un rockstar, man. Mais fait quand même assez inusité. Summer Glow, j'ai tout le temps l'impression de le prononcer tout croche, joue un Terminator là-dedans. Et son nom, c'est Cameron pour James Cameron. Fait que ça, c'est un petit inside aussi que ça m'a ramené là. Puis le nom de son personnage, Allison Young. Fait que là, on continue là-dedans. Puis là, ça m'amène à une autre télésérie. Là, j'ai suivi le fil de Joss Whedon. J'ai commencé à continuer ça. On parle de Dollhouse, qui est sorti en février 2009, puis qui a été cancellé en janvier 2000. En fait, ça a fini de jouer en janvier 2010, et ça a été cancellé le 11 novembre 2009. Il y a eu 14 épisodes, dont deux qui n'ont jamais joué. Toujours sur le merveilleux réseau Fox. Ça a été créé par Joss Whedon. Et là-dedans, on avait Elisa Dushku. C'est elle qui joue Dana dans True Lies. Ben, c'est ça, exact. Son premier rôle dans True Lies. Elle joue dans un paquet d'autres affaires. Mais là, je me suis enfargé sur un nom que je vais probablement massacrer, mais c'est Diken Lachman. Elle a fait le personnage Sierra. C'est une Allemande tibétaine. Puis là, checkez ça. Okay? Ah, mais on la voit partout. Je me suis enfargé. Elle est partout, elle. Elle a joué dans... Dollhouse, dans NCIS, dans Hawaii 5-0, Torchwood, The Guild, Being Human, The League, CSI, The 100, Agents of S.H.I.E.L.D., André, Supergirl, Altered Carbon. Je t'arrête. Oui. On parle de quoi en ce moment? D'une fille asiatique. Okay. Je m'en viens. En fait, c'est comme... si tu vas avoir une image, c'est comme la Mila Jovovich asiatique. Exactement. Ah, okay. Alors, je parle mais c'est ce que... En termes de... physionomie. Okay, cut. Finalement, non. Mais en réalité, fait que là, OK, Dollhouse, cette actrice-là qui est un peu partout, là, tous les liens commencent à se faire dans ma tête. Il est à peu près 2 h du matin, ça continue de même. un autre deux doigts de scotch, attends, tout va bien. Attends, t'avais-tu genre une board avec des ficelles? Puis, non, mais j'avais un Sharpie puis Anne-Marie, elle checkait pas mal pour pas que ça l'arrive. Ce qui m'amène finalement à Terra Nova, qui était une autre excellente télésérie qui avait passé sur le réseau Fox. Ah, il y a le dude d'Avatar là-dedans. Ben, exactement. Fait que le dude d'Avatar qui joue là-dedans. Fait que dans le fond, Terra Nova, Steven Spielberg, coudonc, man. Tu sais, c'est pas rien, là. T'as Spielberg, c'est produit par Spielberg, Terra Nova, une télésérie. C'est vraiment incroyable. C'est 85 millions d'années dans le passé. Le monde, il passe une brèche à ce passe-temps. Il se retrouve là-dedans. Il y a des dinosaures. Il essaie de survivre. C'est post-apocalyptique. Ça dure 13 épisodes. Ça se fait canceller. Mais si c'est dans le passé, ça serait-tu pré-apocalyptique? Pardon? Ouais, ça se passe 85 millions dans le passé. Aussi, c'est plus pré-apocalyptique? Ouais, là, on pourrait avoir un débat assez intéressant puis assez scientifique sur le propos. Ben, mais il n'y a pas de débat, en fait. C'est aucunement post-apocalyptique parce que c'est dans le passé. Je me suis enfargé d'un autre lien aussi. Il y a Naomi Scott qui joue dans Terra Nova. Naomi Scott qui jouait dans le plus récent reboot de Power Rangers aussi également. Fait que là, tout fait du sens rendu là. Terra Nova, là, c'est pas la série qui avait l'espèce de dude aux cheveux gris qui était comme pressenti rien pour faire Cable? Ben oui, c'est Stephen Lang en réalité. Stephen Lang. Lui avec sa mère qu'on a vu dans plusieurs choses. Il a joué dans Avatar, il a joué dans Don't Breathe. Il a joué dans Cabin Boy. Il joue le Merman. Fuck, man. Oui, oui. Fait qu'en réalité, là, tu sais, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait plein de shows qui étaient là. Puis là, après ça, j'ai en cliquant un peu partout, mais c'est tout des shows qui ont été cancellés. Puis là, un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai fait, oh, t'as peur, il y a un fil conducteur là-dedans. Là. Il y a un fil conducteur. Fox! Fucking Fox. Fait que là, à cette heure-là, il est rendu 3 heures du matin et je réalise, l'illumination s'empare de moi puis je viens de comprendre, le réseau Fox déteste la science-fiction et ses fans. Le réseau Fox achète des droits d'auteur de plein d'affaires le fun pour les produire puis les canner après pour plus que personne ait du fun avec. C'est le genre de millionnaire excentrique fou qui s'approprie ces choses-là pour l'enlever à toutes les autres. Mais là, faisons un peu l'avocat du diable ici. Quelle longue série science-fiction existe sur Fox? Il y a The Gifted qui roule en ce moment, mais est-ce qu'on peut appeler ça... De qualité? Attends, mais on veut dire long pour les standards de Fox ou long pour les standards de l'industrie? Je veux dire, c'est quand même eux qui ont les Simpsons. Là, fait, on parle de sci-fi. Oui, je sais, là, mais Futurama, c'était science-fiction. Ils l'ont canné pareil. Oui, mais ça a duré longtemps. Puis ils l'ont... Ouais, mais tu sais pourquoi ça a duré longtemps? C'est Matt Groening qui faisait... Tout ce que j'essaie de faire, c'est de savoir s'il y a des exemples contre. Star Trek, c'était pas Fox. Écoute, j'ai essayé d'en trouver. Parce que malheureusement, Orville, hein, puis là, tu me fais peur. Ben, je te fais peur parce qu'ils ont confirmé une saison 2 avec un full, une commande complète. Mais t'es correct, Eric, parce qu'il y avait d'autres excellents shows que Fox ont fait, tels que True Calling avec Elisa Dushku. Qui a été cancellé aussi. Qui ont cancellé. Et celui-là, en plus, Fox ont fait le dick swing le plus génial de tout l'univers. Ils l'ont cancellé, puis ils ont même pas fait jouer le dernier épisode. Fait que tu te rendrais sur les 25, tu te rendrais au 24e, puis le 25 a même pas joué. Fait qu'ils ont fait. Quand t'achèteras le DVD par après. Il y avait Dark Angel, pour ceux qui s'en souviennent, ben oui. Avec Jessica Alba, James Cameron encore. Y a-t-il un pattern là-dedans, Fox? Dans le fond, il y a comme un groupe d'Illuminati qui gagne sa vie à faire des séries de sci-fi qui vont être cancellées. C'est qu'on pourrait quasiment dire que les producteurs et les réalisateurs sont en équipe avec Fox là-dedans. Ben écoute, il y a clairement une situation là-dedans. Puis écoute, ça, j'ai remonté jusqu'en 2013-2014 où... Un autre truc que je me souvenais plus, puis que finalement j'ai fait comme fuck, OK, le pattern est vraiment récent, pareil. Almost Human, 2013-2014. Ça a très bien commencé. C'était une production avec Carl Urban, Michael Ealy. Il y avait un gros casting quand même intéressant. C'est quand même intéressant, en effet. Et c'était une production de Bad Robot, J.J. Abrams. Mais sans oublier aussi toutes les autres séries qu'on a vues, là, qui étaient des reprises de films, là, de Minority Report, puis Total Recall et compagnie. Mais ça, c'était pas tout à Fox, par contre. Mais ben, tu sais, en réalité, là, ce que je me rends compte, c'est que c'est une. Tu sais, je vais sortir de mon personnage un peu désillusionné avec son chapeau de papier d'aluminium. C'est ça, on est là avec toi à 3 h du matin sur tes deux pouces de ça. J'étais là hier. Non, mais j'étais vraiment déçu. Il y a un pattern. Chapeau Fox pour une chose, par exemple, depuis, si je remonte avec Firefly, depuis 2002, cette chaîne-là essaye de faire vivre la science-fiction de haut calibre en se battant contre des institutions telles que des Star Trek, avec CBC, qui s'est télévisé depuis des années, Paramount, le kit. Ils ont essayé un paquet d'affaires quand même, Fox, puis ils ont donné des avancées. Mon rêve le plus fou avec ça, ça serait par contre que peut-être Netflix prenne certaines de ces IP-là et les fasse revivre. On s'entend, là, je suis tombé dans mon rabbit hole, justement, là, j'ai trouvé des manières de réécouter. Tant que tu dis pas Firefly, là, je... Moi, je pensais que tu allais dire, non, Firefly, mon rêve le plus fou, c'est que Disney achète Fox. Je pense que les acteurs ils sont acheté Fox. Non, mais ils ont acheté 20th Century Fox, les films. Mais en réalité, là, tu sais, c'est qu'il y a plein de propriétés intellectuelles là-dedans qui sont écœurantes, qui mériteraient peut-être leur chance sur un médium actuel, parce que je pense qu'il y a une crowd qui est là un peu. Tu sais, Guillaume, tu parlais, c'était carrément, je fais des segways sans même le vouloir, mais la montée, justement, de Marvel puis DC avec les films de super-héros qui a créé peut-être une opportunité à cette clientèle très niche de devenir un peu plus mainstream dans son œuvre de produits. Ben, tu sais, il y a peut-être de la sci-fi un peu plus intéressante qu'on pourrait aller explorer aussi. Fait qu'au lieu de sortir le film du super-héros random, que, tu sais, ils sont rendus, Chris, tu fais un épisode de Red Tornado à Supergirl, t'as gratté le fond du baril, là. Ramène-toi une autre télésérie à la place. Tu sais, puis c'est le temps d'aller exploiter ces trucs-là. Tu sais, je donne un exemple, j'ai réécouté Helix, ça c'est pas Fox, c'est sci-fi justement, mais la saison 1 d'Helix, c'est sur Netflix présentement. En réalité, là, ça, c'est une des très bonnes affaires de science-fiction qu'il y a eu dans les dernières années. C'est de l'humour ultra noir. C'est quelque chose qui va ressembler un peu à une ambiance Resident Evil, mélangé avec John Carpenter's The Thing. C'est une base en Antarctique. Il y a des recherches, des virus, des affaires de même avec une petite soundtrack. Fait que, grosso modo, là, je viens de vous vomir à peu près 5 titres et plus de téléséries qui sont fort intéressantes si vous avez la chance de retomber là-dessus. Malheureusement, il y en a plusieurs qui ont été cancellés, mais ils valent la peine de les écouter pareil, puis c'est quand même cool d'aller explorer ce passé-là. Donc, Fox, arrêtez de canceller tout, Chris, mais continuez d'essayer d'innover puis de nous offrir une gamme de produits qui sont quand même fort intéressants. Moi, j'ai une question pour toi, André. Oui. Vendu à 3h du matin, là, est-ce que Wikipédia, il a fait comme mon Xbox qui me dit, genre, « You should think to take a break, là, ça fait trop longtemps que tu joues, ça fait trop longtemps que... » Non, est-ce ma blonde a pensé à le faire, par exemple. Okay. Elle dit, « Chris, viens-tu te coucher, là? » Fait que, sur ça, je pense... On est-tu capable de rejoindre Milter, finalement? On est-tu... Ben oui, c'est juste en faire. Tu es en train d'appeler Milter? Bon, Milter pouvait pas être avec nous aujourd'hui, donc Milter, qui est un des autres membres fondateurs du collectif... Il joue à la gardienne. Donc, on va rejoindre Milter live, là, via la magie des internets, sur Facebook Messenger. Salut, Joe! Collez ton micro, je pense qu'on l'entend pas. Ben moi je l'entends. Ouais, mais eux autres. J'aimerais juste dire qu'il est en chest. T'es-tu en chest? Oui. OK, good. Est-ce que dans le fond de la salle, vous entendez Jonathan Milter? Excellent. Bon, génial. Hey Joe, t'as le temps de faire un petit segment rapide avec les gens à Valleyfield? OK. Bonjour tout le monde. Je suis en train de me faire du pain doré présentement parce que j'ai malheureusement pas pu venir vous faire ça live parce que ma belle-mère a choqué sa job de gardienne à la dernière minute. Toujours ça, les belles-mères. C'est ça. Je suis extrêmement désolé de pas pouvoir être là avec vous. J'aurais aimé ça. Mais Joe, tu vas être avec nous autres le 13 juin pour le crossover avec Rétro Nouveau? J'entends très mal. Est-ce que l'Internet de Valleyfield va bien? Écoute, on va craquer le dial-up un peu. Là, là tu nous entends-tu bien, Joe? Moi, j'entends très mal. Désolé pour ça. Là. Il y a une banane dans l'oreille, je pense. Bon. Joe, tu vas être là le 13 pour Rétro Nouveau? Oui, oui. Excellent. Fait que, Joe, si tu as quelque chose à partager avec les gens avant qu'on te raccroche très violemment dans la face? Ben, j'ai pas grand-chose à dire présentement, là. Mais tu ferais avec toi, là. Excellent. Donc, sur ce malaise palpable, Joe, bonne fin d'après-midi. Ben, merci beaucoup, vous autres ici. Bonne main d'applaudissement pour son chest. Bye, Joe. Ciao, Joe. Joe, un homme de peu de mots. Fait que, guys, en réalité, un gros merci d'avoir partagé. Ben, il nous reste encore du temps. Il me semble qu'on 14, est... Non, il nous reste 5 minutes. J'étais pas peint, hein, finalement, dans le timing. Ouais, non, c'était bien fait pour ça. Fait qu'en réalité, merci d'avoir partagé cet instant avec nous. C'est un retour au podcasting pour nous. C'est toujours le fun de partager nos déboires et nos recherches tardives sur Internet. avec vous via soit un micro dans un café à Valleyfield, ce que je pensais jamais faire dans ma vie, faire du podcasting à Valleyfield, honnêtement, on en apprend chaque jour. Donc, merci Valleyfield pour votre accueil très chaleureux et votre beau café, honnêtement. On est à la Factory Café Culturel. Je nommerai le nom de la rue, mais je sais pas. Fait que Google Maps. Comment? La rue du marché. Les gens sont super sympathiques. C'est vraiment le fun. En réalité, ce qu'on voulait vous dire aussi également, c'est qu'on va faire notre comeback dans pas trop long. Donc, le 13 juin prochain, on va avoir un épisode crossover avec la gang de Rétro Nouveau pour pouvoir suivre toutes les sorties du E3 dans le fond. Donc, on va discuter des jeux à venir, des jeux en cours. Qu'est-ce qu'on pense un peu de l'avenir des jeux vidéo? André va poser la question, est-ce qu'on a besoin du E3 pour la 5e année de fil? Ben écoute, si je la pose pas, c'est pas un show du E3. Fait qu'à chaque fois, cette question-là est pertinente, voyons. Mais en réalité, on vous invite à nous suivre via Facebook, sur facebook.com/geekcollectiflepodcast. On est également sur Twitter. On a retrouvé le password et on répond. Au @geekcollectif. Puis sinon, ben Guillaume, les gens qui voudraient interagir avec toi. Ben avant, là, Twitch. Oui, ben on va revenir à. Oui, dans le fond, ben je peux y aller tout de suite. Là. Fait que dans le fond, le show live qu'on va faire la prochaine fois, le 13 juin, va être disponible sur twitch.tv/gcpodcast. Parce qu'il ne sera pas devant public, celui-là. Mais en réalité, celui-là devrait. Ben, si tu comptes mes 3 chats comme du public, oui. Mais non, ça devrait être un peu plus intime. Donc, on va être avec la gang de Rétro Nouveau aussi également. Mais suivez la page Facebook, vous allez avoir tous les liens, puis c'est super cool. On fait du gaming, on a les épisodes de podcast qui vont recommencer aussi également. Fait que Guy, les gens qui voudraient interagir avec toi. Bien, ceux qui veulent interagir avec moi ou qui ont tout oublié les pages que tu viens d'énumérer, ils peuvent aller au geekcollectif.com. Puis dans le fond, sur ce site fabuleux, vous allez avoir des informations pour retracer n'importe quel membre du Geek Collectif, dont moi. Sinon, tout simplement Facebook. J'ai été chanceux. J'étais le premier Guillaume Hamel à faire un URL là, avec mon nom. C'est que c'est facebook.com Guillaume Hamel. Là. Bragging rights. Ben, il faut une fois de temps en temps. Merci Guillaume. Éric? Sur Facebook, là, Montréalien sur Facebook, Arcade MTL les vendredis pour les tournois sur nos lives, affaires comme ça, vous n'êtes pas venu à Arcade MTL, c'est un peu comme ça ici, mais avec plein d'arcades aussi, c'est le même genre de concept, tout ce qu'on boit, puis on game, puis on tournoie. J'ai aussi, je suis sous Fact Review, que je m'amuse beaucoup, surtout après mes soirées chez Arcade MTL, je fais des lives à 2-3 heures du matin, ben ça brosse, puis je parle sur mes opinions, ces jeux vidéo. J'ai aucunement honte de dire que je connais mon shit d'un jeu vidéo, puis j'aime ça d'en parler, ça brosse. Puis c'est vraiment le fun à regarder. Puis maintenant qu'il a déménagé, il n'y a plus problème de réveiller sa blonde quand il est 3h. Ouais, c'est ça, j'ai mon petit man cave stock des années 60 et 80 là, que j'aime bien, que je tiens à cœur. Puis si lui voir ma craque de fesses quand je me lève pour aller choisir un jeu, c'est le fun. Merci Eric. Pour ma part, ben c'est super simple. Si vous voulez jouer avec moi, ben c'est Uzumaki QC, pas mal sur toutes les plateformes de gaming qui existent, sinon sur Instagram et Facebook aussi également. Donc, Geek Collectif, ça nous fait un énorme plaisir d'avoir été avec vous. Et oui, on se vraiment, revoit sous peu pour un prochain épisode. Donc, merci beaucoup, guys. Bonne fin de journée. Oui, merci pour l'accueil. Et en passant, on a des stickers. C'est que si vous voulez des stickers, viendrez me voir, je vais vous en donner. Des beaux petits stickers du Geek Collectif. Hey, ma batterie vient de lâcher juste au moment que j'ai dit merci puis applaudissait. C'est perfect malade. Timing. Technologie.